calme-toi, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. On dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. Dire qu'à eux trois, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. Faut dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. Ok, y'a pas de rap sans rage, y'a pas d'histoire sans page. J'ai tourné la mienne pour une vie plus sage. Essayez de me frayer un passage, un passage sans carnage. Depuis mon démarrage, j'ai su gravir les étages pour réussir sans dérapage, sans vol à l'étalage. J'ai utile dans les parages, mais j'ai un penchant pour les armes. Depuis mon premier âge, venu au monde avec une calage, j'ai très vite pris le hip hop en otage. Ok, moi et mes potes, on a emprunté le chemin du hip hop sans passer par la colle ou la dope. Le rap au mode dub, car on a su se l'approprier. Pour notre flow, c'est au top, et j'espère que ça va briller. J'aime pas jouer Picasso, mais Mozart du rap. De nos jours, c'est moi, y'a pas de succès durable. On veut du rap, et pas jouer les procès nets. Dans le fond des procès nets, j'aime pas faire le procès net. Ma gâchette, mon doigt, mon flingue sur leur tête. On va compter à trois, puis amoucher leur facette. Je répète une dernière fois, mon doigt sur la gâchette. C'est AK-8-3, armé d'une AK-4-7. C'est AK-8-3, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. Faut dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. C'est AK-8-3, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. Faut dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. Mon talent n'est pas caché, je suis pas un mec à clasher. Venez me chercher, on vous retrouvera dans la forêt contre un arbre attaché. Sur la gueule, un sachet, sachet pour crever. Rex t'es caché, ok, la nature m'a fâché. J'ai que 16 piges, je suis fauché, mais je suis pas encore couché. Car l'argent me fait bander, donc je compte bien t'empocher. Mais pour ça, faut pas relâcher. Tous une barre, ces petits culs me font loucher. J'aimerais bien y toucher, mais nos jours, même pour coucher, faut de la monnaie. Ouais, poteau, faut se lâcher. Sur ces putes, il faut cracher. C'est pas le bon genre à déboucher. On n'a pas besoin de blé. Cherche-en une à tout attacher qui sera accroché. Garde tes thunes pour une vie de rêve. À des grosses cylindrées. On s'en bat les couilles, on finira comme Dr. Dre. On pourra me barrer la route, j'y arriverai coûte que coûte. Et peu importe ce que ça me coûte, j'aurai pas un scoop, toucherai autant que joueur de foot. Je crois que le poids sur la gâchette, mon doigt, mon flingue sur leur tête. On va compter à trois, puis amoucher leur facette. Je me répète une dernière fois, mon doigt sur la gâchette. C'est AK-8-3, armé d'une AK-4-7. C'est AK-8-3, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. Faut dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. C'est AK-8-3, on n'a pas eu le choix de faire du gangsta rap ou bien de baiser les lois. Faut dire qu'on a eu la foi d'utiliser nos voix pour s'interposer et lever nos troisième doigts. C'est ça, mec. AK-8-3, laisse-t-il les riffs. Je m'en prends que le poids. Southside.